Je me disais que la vie serait dure. Je me disais que je serais mûr. Je m'amusais que ma vie serait pure. Mais non, j'en étais sûr. Ma grande stupeur, j'en ai eu peur. Que mon âme sœur me laisse en pleurs. Que d'impuissance à ton heure, je meurs. S'effondre impunément. Je ne peux rien faire contre le temps. Je me laisse voler dans le vent. Je vole en attendant. Mon corps me laisse tomber. Mon cœur est si fatigué. Mes yeux se mettent à pleurer. Je pleure